Situation 3. D'habitude, je prends le bus pour aller au travail. Et toi ? Moi, je préfère le métro. Il n'y a pas d'embouteillage.